À l'occasion du nouvel an 106 de juillet 2017, le comité d'ASEAN en Corée a offert un banquet le 26 courant. Y ont été invités les quatre Coréens intéressés, y compris le vice-ministre des Affaires étrangères, Choi Hee-chul. Y ont pris part l'ambassadeur vietnamien, doyen du comité d'ASEAN en Corée, les chargés d'affaires par intérim laotien et cambodgien, les ambassadeurs indonésiens et malaisiens.